forme bizarre de tendresse qui s'adresse à tous ceux qui ont froid dans le cœur et puis aussi le reste. Tout le monde se retrouve en tas. Oh la belle aubaine au milieu d'un écrin se dissout notre peine dans la chaleur d'une main. Le lieu n'a pas tellement d'importance, il suffit de se laisser tomber dans le désir de faire connaissance. Il ne faut surtout pas s'en priver. Oh la belle aubaine au milieu d'un écrin se dissout notre peine dans la chaleur d'une main. Dans le creux de cette vague humaine, nous nous laissons tendrement bercer, habillés d'une mine sereine, écoutant les soupirs s'échapper. Oh la belle aubaine au milieu d'un écrin se dissout notre peine dans la chaleur d'une main. C'est maintenant que le temps s'arrête pour mieux souder les cœurs enlacés. Nous dirons longtemps que c'était chouette, espérant déjà recommencer. Oh la belle aubaine au milieu d'un écrin se dissout notre peine dans la chaleur d'une main. Et vient le moment que je préfère, celui de vous dévoiler son nom, tout mignon pour que l'on persévère. Eh bien, ça s'appelle un blottichon. Oh la belle aubaine au milieu d'un écrin se dissout notre peine dans la chaleur du. Mmh.